Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blue des Barrales 1882. Résumé des principes qui forment la base du darwinisme. La lutte pour la vie est un roman où l'on s'entre-dévore, La sélection naturelle un roman où l'on se fait la cour, chorégraphie déhanchée, une pastorale véritable. Mais ne nous égarons pas plus longtemps, sur les pas de Darwin, dans les applications fantaisistes de son système. Revenons au système lui-même et aux principes qui en forment la base. Nous savons quels sont ces principes, ce sont la lutte pour la vie, et la sélection naturelle. Nous savons, de plus, quel sens leur attacher, il me paraît utile toutefois, avant d'aller plus loin, d'en donner un résumé succinct. La lutte pour la vie, nous nous le rappelons, est une sorte de roman médiocrement ingénieux, par lequel les animaux sont censés, depuis leur première apparition sur le globe, avoir consacré leurs facultés et leurs loisirs à s'entre-dévorer. Il y a surtout cette particularité très essentielle que, le plus fort l'emportant constamment sur le plus faible, il se trouve resté le seul survivant, et, par conséquent, le seul chargé de la reproduction. Chaque génération qui se succède bénéficie nécessairement de ce monopole, ainsi s'expliquerait la formation des belles espèces. Si encore, en avançant ses étrangetés, Darwin avait eu le mérite de l'invention. Mais non, tout cela est renouvelé des Grecs, car c'est l'histoire de ce qui se passait chez les Spartiates. On sait, en effet, qu'en vertu d'une loi spéciale, tout enfant né chétif ou difforme devait être sacrifié immédiatement dans l'intérêt de la chose publique et de la race, mais la nature, cette âme apparence, comme l'appelaient les anciens, n'a rien à voir avec des pratiques aussi barbares. Laissons donc de côté ces prétendues luttes pour la vie. Quant à la sélection naturelle, c'est un roman d'un autre genre, où domine surtout l'élément burlesque. Ainsi, dans les entrevues préliminaires de certains oiseaux qui doivent sceller leur union, nous n'avons pas oublié ces poses, ces œillades et ces ronds de jambes des mâles à l'adresse des femelles, non plus que les répliques de celles-ci par des coquetteries correspondantes. Mais, si vous vouliez absolument faire de l'églogue, pourquoi ne pas prendre tout simplement la nature sur le fait? Tenez, connaissez-vous rien de plus touchant et de plus délicat que les attentions du rossignol pour sa compagne? Le jour même où elle va pondre, il se place sur une branche voisine, et là, pour charmer ses ennuis, il entonne ses plus délicieuses mélodies, qu'il continuera nuit et jour, en les variant, tant qu'elle restera confinée au logis par la nécessité de couver ses œufs, il ne les interrompt par intervalle que pour aller les couver à son tour, lui rendant ainsi de ces petits services qu'on se doit entre époux. Voilà de ces gracieux tableaux qu'il vous fallait imiter, au lieu d'aller emprunter vos pastorales à je ne sais quelle chorégraphie déhanchée des bals publics et des barrières. Combien Virgile a été mieux inspiré lorsqu'il représente le pauvre volatile ne faisant plus entendre que de plaintifs accents, parce que la main du laboureur a précipité hors du nid toute la petite couvée, avant même qu'elle eût ses premières plumes. Je n'achève pas la citation latine, car il n'est personne qui ne la sache par cœur, je n'essayerai même pas de la traduire, car il est de ces choses qu'il faut lire dans la langue même où elles ont été écrites, pour bien en apprécier le charme et les beautés. Mais en voilà assez sur tout ce jargon de lutte et de sélection, qu'on ne comprend pas tout d'abord avant qu'on vous l'explique, et que l'on comprend encore moins quand on vous l'a expliqué. Malheureusement, ce qui n'est que trop intelligible, c'est le parti conçu en tirer les matérialistes. Matérialisme et darwinisme, une traductrice à la mer. Comme quoi darwinisme et matérialisme ne font qu'un, déclaration atténuante de Darwin, son attitude piteuse devant Buchner. Madame Clémence Royer, une furie à la mer. Voilà plusieurs fois déjà que je rapproche les mots de matérialisme et de darwinisme, j'ai même déclaré précédemment qu'ils sont l'équivalent l'un de l'autre. Mais la chose est-elle bien prouvée? Prenons garde de donner à nos adversaires l'épithète de matérialiste, comme ils nous lancent à nous l'épithète de cléricaux, et cela sans en justifier le sens, plutôt par conséquent comme arme de guerre que comme argument sérieux. Encore une fois donc, le système de Darwin conduit-il fatalement au matérialisme? Ce qui pourrait à cet égard faire naître des scrupules, c'est cette déclaration de Darwin lui-même, qui figure en tête de l'introduction de son livre sur l'origine des espèces. Je ne vois aucune raison pour que les vues exposées dans cet ouvrage blessent les sentiments religieux de qui que ce soit. Or, lorsque Darwin s'exprime de la sorte, il doit être cru sur parole, personne n'ayant titre pour suspecter sa bonne foi. Seulement, il est une logique beaucoup plus impitoyable encore que celle des intentions et des phrases. C'est la logique des faits. Eh bien, tel est chez Darwin le besoin de popularité que la peur de ses disciples l'entraîne parfois à des actes d'une condescendance on ne peut plus regrettable. Citons-en un exemple, il avait parlé, dans la première édition de son livre, du Créateur dont le souffle donna primitivement la vie à un petit nombre de formes organisées, ou même à une seule, de laquelle toutes les autres sont dérivées. Grand émoi aussitôt dans le camp de ses disciples, c'est au point que l'un d'eux, Buchner, alla jusqu'à déclarer dans une conférence publique que, s'il avait parlé du Créateur, c'était pour ménager les croyances bibliques de ses concitoyens, même au détriment de la vérité. Quelle fut l'attitude de Darwin en face d'une imputation aussi grave? Hélas, elle fut des plus piteuses. « On m'a reproché, dit-il, de m'être servi d'une expression du Pentateuque, en parlant d'une forme primitive qui reçut le souffle de la vie. Dans un ouvrage purement scientifique, j'aurais dû peut-être employer une autre expression, mais elle me sembla propre à indiquer l'aveu de notre ignorance sur l'origine de la vie, comme sur l'origine de la force et de la matière. » Aussi Madame Clémence Royer s'est-elle empressée de faire suivre cette déclaration de Darwin des réflexions que voici. La doctrine de Monsieur Darwin est essentiellement hétérodoxe et inconciliable, non seulement avec les textes de l'Ancien Testament, mais encore avec les dogmes que l'on a voulu déduire du Testament grec. Il proteste en vain que son système n'est en aucune façon contraire à l'idée divine. Sa théorie est foncièrement et irrémédiablement hérétique. Il me paraît de toute évidence qu'ici Madame Clémence Royer a complètement raison. Je sais bien qu'on lui a reproché d'être parfois un traducteur peu scrupuleux, et de prendre trop souvent, sous son bonnet, des allégations erronées qu'elle attribue ensuite faussement à Darwin. Il est de fait qu'il est impossible de pousser plus loin la haine, la sauvagerie anti-religieuse. On dirait presque qu'elle a eu à cœur de montrer jusqu'où peut aller la furie d'une femme. Jetons-la donc à la mer, par métaphore, bien entendu. J'en ferai d'autant mieux mon deuil que je m'intéresse, en général, fort peu aux femmes esprits forts, lors même que, pour complaire à notre sexe, elles affectent, comme le faisait l'auteur d'Indiana, des allures viriles et des costumes masculins. Maintenant donc que Madame Royer n'existe plus pour nous, qui consulter pour connaître enfin la doctrine exacte de Darwin? Mais ceux-là même qui s'en sont fait les apôtres, les libres penseurs. Les libres penseurs. Signification vraie du mot libre penseur, sens qui attache ceux qui le prennent pour devise, l'idée de Dieu et les progrès de la science, comment on s'improvise naturaliste, Moïse en cause. Oui, sans doute, la pensée est libre, comme sont libres les actes de la volonté qu'elle éclaire. C'est même cette double liberté qui forme la base de tout édifice social, en ce qu'elle implique la responsabilité de l'homme, tant au point de vue de la justice humaine que de la justice divine. La liberté de nos pensées et de nos déterminations est même la preuve la plus évidente de l'immatérialité de notre âme. C'est que l'âme est si peu emprisonnée dans la matière qu'elle possède le privilège de s'en dégager quand elle le veut, pour s'élever dans des régions où les passions terrestres ne sauraient l'atteindre. Il semble même qu'elle en revienne plus pure, comme ayant été se retremper à la source divine dont elle émane. Sous ce rapport, je réclame, moi aussi, le titre de libre penseur. C'est même celui dont je m'honore le plus. Mais est-ce ainsi que l'ont compris les hommes qui précisément l'ont pris pour devise? Bien au contraire, qui dit libre penseur, dit ennemi juré de tout ce qui est spiritualisme. Le libre penseur ne reconnaît d'autre culte que celui de la matière, d'autres lois que celles qui la régissent, d'autres destinées que le néant. Et en cela il est conséquent avec lui-même, puisque, pour lui, comme pour D'Alembert, Dieu est une hypothèse dont on peut à la rigueur se passer. Le libre penseur pousse même les choses si loin qu'il veut que l'idée seule de Dieu entrave les études et les progrès de la science. Voilà encore une de ces accusations qu'il m'est impossible de prendre au sérieux, car, enfin, en quoi la pensée du savant sera-t-elle moins libre ou moins lucide? Parce qu'il saura qu'une cause première et non une cause fortuite a présidé aux destinées du monde? Le souvenir de l'invention de Watt n'empêche pas plus le mécanicien de diriger sa locomotive que le souvenir de l'invention de Morse n'empêche le préposé d'expédier ses télégrammes. Il devra en être de même pour le savant par rapport au créateur des forces tant physiques que vitales dont il étudie l'action dans ses œuvres. D'ailleurs, pour tout ce qui touche au point litigieux de la science, l'enseignement catholique lui-même ne proclame-t-il pas, de la manière la plus absolue, la complète liberté de discussion? Quoi qu'il en soit, puisque le libre penseur traite de rêverie les croyances des autres, et qu'il n'admet rien autre que la nature, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il s'intitule naturaliste, et naturaliste de l'école de Darwin, comme étant celle qui, par ses excentricités, répond le mieux à ses instincts. Peut-être cependant pousse-t-il un peu trop loin l'indépendance de la pensée, lorsqu'il va jusqu'à s'affranchir de toute étude, et par suite de toute notion en histoire naturelle. Il est vrai qu'il y trouve l'avantage que les difficultés pas plus que les objections ne sauraient l'émouvoir, il ne les comprend pas. Dans sa ferveur de nouvel initié, il n'a qu'un but, la propagation des nouveaux dogmes. Parmi ces dogmes, il en est un surtout dont il se fait plus volontiers l'apôtre, c'est celui qui nie que l'homme puisse descendre de Dieu. Mais, Si l'homme ne descend pas de Dieu, de qui donc descend-il? Car, n'ayant pu se donner le jour à lui-même, il faut bien qu'il ait eu une origine quelconque, c'est nécessairement à Darwin qu'il emprunte la réponse. Nous la connaissons déjà, l'homme est une descendance du singe. Voilà donc notre libre penseur devenu l'un des paladins de la nouvelle croisade contre Moïse. Et qu'on ne croit pas qu'en faisant ainsi intervenir le nom de Moïse je force les rapprochements, ou je m'amuse à faire de la peinture de fantaisie. Non. C'est bien réellement l'historien sacré qu'on trouve toujours moyen de remettre en cause. Je n'en veux d'autre preuve que les déclarations et les aveux de la presse matérialiste. La presse matérialiste, Monsieur Francisque Sarcey. Une traduction de l'origine des espèces, enthousiasme de Monsieur Francisque Sarcey, son lyrisme à l'endroit de Darwin. C'est qu'il a supprimé la Bible, son mépris pour tout ce qui n'est pas du système, sa compétence contestée, un nouvel Ovide exilé chez les Scythes, quelques conseils sous forme de maximes. Si, parmi les publications qui influencent le plus l'opinion, je mets ainsi en avant la presse matérialiste, c'est que, pour nombre de personnes, la lecture du journal tient lieu aujourd'hui de toute littérature et de toute source d'instruction. Voyons donc quel est le langage tenu par cette presse. Je prendrai comme spécimen le journal Le 19e siècle. C'est peut-être, de toutes les feuilles de la même nuance, celle où les attaques contre la Bible sont dirigées avec le plus d'ardeur, de constance et de perfidabilité. Donnons la parole à Monsieur Francisque Sarcey, son rédacteur principal. Je viens, écrivait-il en juin 1876, d'achever la lecture de l'admirable livre que Darwin a écrit sur l'origine des espèces, et dont notre collaborateur Barbier a donné une traduction nouvelle tout à fait remarquable par sa correcte et élégante facilité. Voilà donc un document qui peut nous inspirer toute confiance et pour le fond et pour la forme. Mais Monsieur Francisque Sarcey ne s'en est nécessairement pas tenu là. Après avoir rendu ainsi justice au mérite de la traduction, il a donné son avis sur le livre et sur l'auteur. Cet avis, voici comment il le formule. Le livre sur l'origine des espèces est un chef-d'œuvre, et l'auteur a certainement accompli dans les sciences une révolution aussi étonnante qu'il y en ait jamais eu dans la suite des siècles. Darwin n'est pas seulement un patient observateur, c'est encore un homme d'intuition dont le génie va plus loin que les faits, et qui ouvre à chaque instant, sur les obscures profondeurs de l'inconnu, des percées lumineuses. Je m'arrête. Car j'ai besoin de reprendre haleine. C'est que ce dit tyran en l'honneur de Darwin m'est tombé en pleine poitrine au moment où j'y étais le moins préparé, puisque je m'occupais, au contraire, à cette même date, de la réfutation de son système. Puis, quel enthousiasme, quelle fougue! Il est à regretter seulement que Monsieur Francisque Sarcey ait omis de spécifier le caractère scientifique de la révolution que Darwin a opérée ainsi dans les sciences. Je n'y vois, moi, que la substitution du règne de la fantaisie au règne de la logique et du bon sens. Quant au génie, le génie, qui va plus loin que les faits, la remarque est fort juste, en ce sens du moins qu'au lieu de s'adapter aux faits il en reste toujours très éloigné. Bien entendu, Monsieur Francisque Sarcey ne s'arrête pas en si beau chemin. Darwin, dit-il, a renouvelé la science, il a imposé son nom à une théorie qui a changé la face des croyances de l'humanité, il a ébranlé la foi en un vieux recueil de légendes juives, fort respectable sans doute, mais qui, en fait de science, a toute l'autorité des contes de ma mère loi. Voilà donc enfin l'explication de tout ce lyrisme à l'adresse de l'admirable livre, du patient observateur, et de l'homme d'intuition. Darwin a changé la face des croyances de l'humanité. Donc il a aboli ce qui forme la base du christianisme, et tout spécialement la spiritualité de l'âme. Darwin a ébranlé la foi en un recueil de vieilles légendes juives. Ma plume se refuse à transcrire le reste, c'est déjà trop d'une fois. Donc, en supprimant la Bible, il a supprimé Dieu de la création, pour tout rapporter à la force plastique de la matière. Que faut-il de plus pour être un grand naturaliste et, qui plus est, un grand homme? Jamais en effet révolution, tant par ses principes que par ses visées, ne fut plus radicale que celle-là. Et mais, Madame Clémence Royer a-t-elle jamais fait dire autre chose à Darwin? Ce n'était donc pas la peine de tant la malmener, la pauvre femme, car enfin son seul crime est d'avoir déclaré avant d'autres que le triomphe du darwinisme est bien réellement le triomphe du matérialisme. Ce triomphe, paraît-il, est beaucoup plus complet qu'on ne le croit généralement et que je ne l'aurais cru moi-même, car voici ce qu'ajoute Monsieur Francis Sarcey. Darwin est le chef, il est le guide, au pas, de qui on s'attache en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, dans tout l'univers pensant et une demi-douzaine de Français ignorants et de Français évaporés s'imaginent l'avoir suffisamment réfuté et réduit ses admirateurs au silence en le traitant d'arrière-singe. Quelle pitié! Ainsi donc, nous ne sommes plus que 12 en France qui n'ayons pas encore embrassé le culte du nouveau dogme. C'est maigre, j'aurais pensé que nous étions davantage, si du moins la valeur des personnages compensait quelque peu leur infériorité numérique. Mais, pas d'illusion possible, Monsieur Francis Sarcey vient de nous le dire, en termes peut-être un peu crus, toute la partie masculine est ignorante, et toute la partie féminine évaporée. C'est ce qui lui arrache cette exclamation dédaigneuse, mais naturelle, quelle pitié! Que va faire maintenant la petite bande? Ces rangs vont-ils encore s'éclaircir? Je ne peux nécessairement répondre de mes coreligionnaires. Quant à moi, je suis bien décidé, du moins jusqu'à nouvel ordre, à tenir bon, et, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Seulement, pourquoi nous reprocher avec tant d'amertume d'appeler Darwin, arrière-singe? Mais, en agissant ainsi, nous ne faisons qu'user de la plus légitime des représailles. N'est-ce pas Darwin qui nous a dit et ressassé sur tous les tons que, notre aïeul paternel étant un chimpanzé et notre aïeul maternel une guenon, nous-mêmes étions des singes? Nous nous sommes contentés de lui répondre, et vous, donc, je cherche ici vainement où est l'injure. Maintenant que Monsieur Francis Sarcey s'est diverti tout à son aise à nos dépens, qu'il me permet de lui adresser une simple question. Il nous traite d'ignorants. Mais est-il bien sûr, lui, d'avoir les connaissances voulues pour juger une science aussi abstraite et aussi ardue que la physiologie comparée, sur laquelle repose tout le darwinisme? Il est littérateur avant tout. Par conséquent, sa compétence en histoire naturelle peut être contestée. Il dit avoir lu en entier le livre de l'origine des espèces. C'est là de sa part un bien grand acte de courage, ce livre, dans beaucoup d'endroits, ayant dû être pour lui une sorte d'hébreu matiné de sanskrit. Comment c'est à peine si nous autres, qui sommes du bâtiment, pouvons toujours en saisir le sens. Monsieur Francisque Cerset, faisant cette lecture, me représente involontairement Ovide exilé chez les Scythes. « Je suis un barbare ici, » s'écriait le poète, « car personne ne me comprend. » Monsieur Francisque Cerset, lui aussi, a pu se croire un instant transporté en pleine city, avec cette différence toutefois qu'en lieu d'être incompris, c'est lui qui ne comprenait pas. Que ne laisse-t-il aux gens du métier l'étude de ces graves problèmes dont Cuvier a dit, ce sont les points les plus ardus de la science. On voit, du reste, rien qu'à la légèreté de ses jugements et à l'exagération de ses éloges, qu'il n'a pas l'habitude de parler le langage sévère et mesuré que comportent ces matières. Mieux vaut donc qu'il retourne à la littérature où il s'est fait une réputation méritée. Je lui recommande surtout nos vieux auteurs classiques, cela lui reposera son esprit, comme cela me repose le mien, dans mes rares moments de loisir, de tout le fatras du romantisme moderne. Il y trouvera d'ailleurs des préceptes et des maximes dont chacun peut toujours faire son profit. Ainsi, par exemple, Boileau a dit quelque part, avant donc que d'écrire apprenez à penser. Horace a dit également, et Boileau après lui, et consultez longtemps votre esprit et vos forces. Horace a dit encore, pourquoi, par une fausse honte, aimer mieux ignorer une chose que l'apprendre. Je pourrais multiplier ces citations, mais je m'arrête, m'en rapportant à Monsieur Francisque Cerset, qui pourra certainement les compléter mieux que personne et les appliquer à qui de droit. Un mot sur Littré. Littré matérialiste et athée, sa préface des œuvres d'Auguste Comte, s'il était darwiniste, sa ressemblance avec le singe, ce que l'histoire préfère enregistrer. Les darwinistes font sonner bien haut le nom de Littré et l'inscrivent avec orgueil en tête de leur patron. Il est de fait que ce nom est tellement inféodé aujourd'hui à celui de Darwin et à son système, qu'il semble qu'on ne puisse le prononcer sans voir miroiter aussitôt comme la silhouette d'un singe. Et cependant il n'est pas démontré pour moi que Littré fût bien réellement, ce qu'un vain peuple pense. Sans doute il réunissait, au plus haut degré, toutes les qualités qui caractérisent d'ordinaire les opinions transformistes qu'on lui attribue. Ainsi, il était matérialiste, de plus, il était athée, lui-même l'a proclamé à chaque page, je pourrais dire à chaque ligne de ses doctes écrits. Je n'en veux d'autre preuve que la déclaration suivante qu'on lit dans sa Préface des œuvres d'Auguste Comte. Le monde est constitué par la matière et par les forces de la matière, au-delà de ces deux termes, matière et force, la science positive ne connaît rien. Littré, en tenant ce langage, ne faisait en quelque sorte que formuler les idées de son ancien maître, Auguste Comte. Il est vrai que celui-ci poussait le matérialisme et l'athéisme jusqu'à l'ahurissement. Mais enfin tout cela ne prouve pas que Littré accepta positivement, comme on l'affirme, d'avoir eu un singe pour aïeul, ses amis prétendent même qu'il s'en défendait. Savez-vous ce qui, à défaut de toute profession de foi positive de sa part, a contribué le plus à vulgariser cette croyance, c'est la ressemblance qu'on s'est plu à établir entre lui et le chimpanzé, on veut qu'il en ait eu les grandes lignes du visage, certaines attitudes et jusqu'à la démarche. Note. Littré était, du reste, le premier à rire de cette singulière ressemblance, témoin l'autorisation donnée par lui à un journal de publier la charge qui le représente sous l'aspect d'un singe en grande tenue de membre de l'Institut, laquelle charge se vendait et se vend encore, je l'ai achetée, chez tous les marchands d'estampes. Voici, en effet, ce qu'on lit au bas de la vignette, avec le fac-similé de son écriture. J'autorise le journal à publier ma charge. Versailles, 29 mai 1876, litré. Fin de la note. On pourrait ajouter qu'il en a eu aussi quelque peu la malice, ainsi que le prouve le tour, je pourrais employer un terme plus sévère, qu'il a joué à Nistan, en lui attribuant, après sa mort, sous prétexte de rééditer son dictionnaire, des opinions matérialistes qu'il n'avait jamais eues de son vivant, et contre lesquelles sa veuve a protesté. Chose bizarre et qui prouve ce que valent parfois les renommées. C'est probablement à cette parenté plus ou moins avouée avec le singe que Littré devra que son nom reste populaire. On aura oublié déjà ses doctrines subversives, dont il paraît du reste qu'au lit de mort il a fait bon marché, puisqu'il a réclamé l'assistance d'un prêtre, qu'on se souviendra encore de l'accoutrement burlesque dont l'ont affublé les caricaturistes. Ainsi est faite l'histoire, elle néglige l'événement pour n'enregistrer que l'anecdote, qui parlerait aujourd'hui d'Alcibiade, s'il n'eût coupé la queue à son chien, de Dagobert, s'il avait mis certains vêtements à l'endroit, ou de Monsieur de la Palisse, si on ne lui eût prêté tant de reparties plus que naïves. Note. Et cependant chacun de ces hommes a eu sa valeur et sa notoriété. Ainsi, par exemple, Monsieur de la Palisse, dont on a réussi à faire le type du niais, n'était autre que Jacques de Chabannes, seigneur de la Palisse, maréchal de France, gouverneur du Bourbonnais de l'Auvergne, du Forêt, du Beaujolais, du Lyonnais, etc. Il contribua beaucoup à la victoire de Marignan et périt glorieusement à la défaite de Pavie. Fin de la note. Mais en voilà assez sur ces digressions, elles finiraient par nous faire perdre de vue l'objet actuel de notre travail, la réfutation du darwinisme. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.